Il y a quelques mois, lors de notre chère retraite, nous avions décidé de faire des émissions dites freestyle. L'idée était de faire une émission plus légère où on parlerait des retours d'émissions, et puis c'est tout. Mais du coup, ça faisait une émission où on pouvait se faire plaisir, un invité à chaque fois, des réponses aux quiz plus longues, plein de réponses d'auditeurs, des blogs audio. Bref, une émission florilège et celle-ci ne dérogera pas à la règle. Vous êtes dans Podcast Science 163, bienvenue! Ce soir, autour du studio le plus grand de l'internet mondial, nous avons notre invité spécial LJJ, en direct de chez lui. Tu me rappelles d'où tu es ? Dans la Sarthe. Et nous avons aussi donc David Loureiro qui va passer, qui n'est pas l'invité du jour, vous l'avez déjà entendu, et qui vient nous faire des statistiques sur Podcast Science. On va en reparler tout de suite. Bonjour David. Salut tout le monde. On a Irène depuis la Californie. Bonsoir. On a Alan qui est depuis la Suisse. Bonjour tout le monde. David Xilrian depuis une cafétéria en Irlande. Bonjour David. Presque, oui. Coucou, je parlerai pas beaucoup. Et qui parlera pas c'est beaucoup ça. Du coup. Et puis depuis les coulisses, Julie, la grande prêtresse qui a préparé l'émission et bien sûr moi, votre serviteur, Dictatup. Au sommaire ce soir, on a donc un interview d'LJJ, notre cher invité. En attendant, on va faire le suivi du quiz du mois et entendre la réponse officielle. On va faire un retour pas si rapide que ça sur les émissions précédentes. On entendra des messages divers et variés. David Loureiro nous a préparé des stats hyper précises sur l'année qui vient de passer. Et puis un pitch de l'émission de la semaine prochaine avec Irène sur les hormones. Bah du coup, on est tout de suite parti sur l'interview d'LJJ. LJJ, tu es là ? Oui, bonsoir. Tu es connu sous le nom LJJ, peut-être que tu as un prénom, je ne sais pas si tu as le droit de le dire. Alors, mon prénom est tenu secret, mais on D'accord. peut m'appeler JJ, tout JJ. Simplement. Et du coup, comme il faut assumer le fait qu'on est dans un podcast de maths maintenant, surtout cette semaine, ta formule préférée ? Bah, il y a le classique exponentiel de ipi égale moins 1, formule assez classique. Mais sinon, non, j'ai pas de formule vraiment, vraiment préférée. D'accord. Parce que donc, je le rappelle, tu tiens un blog qui a un nom fort sympathique. On en a déjà parlé plusieurs fois. On a fait quelques blogs audio qui est Chou Romanesco, Vache Kiri et Intégrale Curviligne. Tu as choisi ce nom. Pourquoi exactement? Alors, en fait, au moment où j'ai créé le blog, j'ai essayé pas mal de titres en essayant de mettre ensemble des notions mathématiques et j'ai trouvé que Chou Romanesco, Vache Kiri, Ça rappelait un peu la vie quotidienne, des choses comme ça, et il fallait quelque chose pour contrebalancer, et intégrale curviligne, je trouvais que ça sonnait vraiment bien. Et alors, autant chez Romanesco, on avait déjà, je sais pas si on avait déjà eu l'occasion d'en parler, peut-être pas, il y a des fractales, donc on voit le rapport aux maths, intégrale curviligne un peu, il y a des noms qu'on a déjà entendus. Les vaches qui rient, il y a un rapport ou pas? Alors, vache qui rient, c'est plus pour la notion de mise en abîme, puisque dans la boucle d'oreille de la vache qui rient, on voit la vache qui rient qui a une boucle d'oreille dans laquelle on voit la vache qui rient. C'est presque une fractale aussi, finalement. Voilà, en fait, j'ai pris du coup Chou Romanesco, c'est une fractale, bien qu'il n'y a pas que ça dans le Chou Romanesco. On peut voir aussi un peu du nombre d'or si on cherche bien en tournant la tête. Ouais, bah, comme partout finalement. Et alors, justement, sur ce nom un peu de blog un peu bizarre, entre guillemets, finalement, on te connaît sur plein de noms étranges. Donc, il y a le LJJ, peut-être que tu vas pouvoir nous dire un peu à quoi ça correspond. Et voir même d'autres pseudos, un certain... Donc, c'est Castixiteur, je vais pas réussir à le dire. Castailleur. Alors, pourquoi ces noms étranges? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est secret? Alors, Gigi, c'est juste par rapport à la première lettre de mon prénom. D'accord. Puis surtout, c'est quand j'étais petit et que je jouais aux jeux vidéo, il n'y avait que trois lettres pour pouvoir mettre son nom. Du coup, Gigi, ça rentrait. Et le problème, c'est que sur Internet, les pseudos de deux lettres, c'est trop court. Ça marche pas. Donc du coup, LJJ, il fallait rajouter quelque chose devant. D'accord. Parce que du coup, je sais que c'est mon cas, je crois que c'était le cas aussi de Robin et Alan, on t'imaginait beaucoup plus vieux en fait. Hein. Bah en fait, j'ai commencé à bloguer très très tôt finalement. Parce et que du coup, tu blogues depuis quand? Alors en final, j'ai regardé, je crois que cette année, ça va faire 10 ans que je blogue. Ah ouais? Et au niveau de Chou Romanesco, il a été créé quand? Il a été créé il y a 8 ans, je crois déjà. D'accord. À l'époque, j'étais en licence, en fait, donc je commençais plus ou moins ma licence, et je voulais un peu parler de ce que j'étais en train de voir, et au final, du coup, 8 ans après, je suis encore là. D'accord. Donc c'est pour ça que tu l'as créé, pour parler de ce que tu faisais en licence, et au fur et à mesure, tu continues à parler, alors que maintenant, t'es plus en licence, tu fais quoi dans la vie? Alors maintenant, je suis professeur de l'éducation nationale. En lycée, c'est ça? Donc prof de maths en lycée, oui. D'accord. Et où tu parles des sujets de ton blog, ou tu évites? Le problème, c'est que si c'était au programme, ça serait génial, mais je dois me contenter de parler de choses moins intéressantes. Hein. D'accord. Autorisation, développement, fonction, des choses essentielles, mais qui malheureusement n'ont pas assez d'applications concrètes. Et alors, c'est marrant parce qu'on a aussi Billy qui est passé dans le précédent freestyle, qui elle aussi est prof. T'as peut-être des anecdotes à nous raconter, entre autres, est-ce que tes élèves se sont déjà savent que t'es blogueur ou sont déjà tombés sur des articles avec toi, ont réagi? Alors, pas vraiment, en fait. J'essaye vraiment de séparer mes deux activités. Donc, des fois, enfin, il m'arrive de parler de choses dont j'ai parlé sur mon blog, mais sans dire que c'est mon blog, en fait, derrière. D'accord. Donc, ils font pas forcément le lien et tu préfères même qu'ils fassent pas le lien. Voilà. Il y a certainement des petits malins qui ont réussi à trouver, mais pas de manière globale, hein, j'en parle pas vraiment. D'accord. Et alors, comment tu trouves ton inspiration? Parce qu'au niveau des sujets, je veux bien que ce soit ce que tu faisais en licence, mais moi, j'ai jamais vu ça. Les sujets sur le Monopoly et d'autres sujets dont on va reparler tout de suite, j'en dis pas plus. Alors en fait, le truc, c'est que donc, quand j'étais à la fac, en général, on a beaucoup de temps libre. Et donc j'étais très souvent à la bibliothèque en train de lire les Pour la Science et la rubrique de Jean-Paul Delahaye dans Pour la Science. Et au final, avec ça, ça m'a quand même pas mal ouvert au niveau de la culture mathématique. Et après, du coup, dès que je vois passer des informations intéressantes, j'essaye toujours de creuser un petit peu plus. Et souvent, de lien en lien, ça me permet de trouver des idées de sujets. Et après, il y a aussi, au niveau de la vie quotidienne, hein, le sujet sur le Monopoly, par exemple, c'est vraiment parce que j'étais en train de faire une partie de Monopoly et j'ai commencé à me poser la question, quelle est la meilleure stratégie possible et... Ouais, donc pour rappel, c'était quelle couleur choisir au Monopoly pour avoir plus de chances de gagner, quoi. C'est ça, hein, en gros. Voilà, en gros, c'était ça. Et en effet, c'est pas les. Il y a des meilleurs choix que d'autres, quoi. Voilà, je crois que c'est les cases qui tombent juste après la prison, puisque finalement, au Monopoly, on tombe souvent en prison. Donc, on tombe souvent sur les cases qui suivent la prison. Et donc, c'est un bon plan pour gagner. Vous l'aurez appris sur le blog d'LJ. Alors, parmi les sujets étonnants, justement, tu parles, mine de rien, assez régulièrement pour un blog de maths, des toilettes. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette passion? Donc, pour rappel, j'ai été refouillé un peu, il y a au moins trois choses. Il y a la quadrature du rouleau de PQ, où tu essayais d'estimer le nombre de feuilles de toilettes. Il y a Mixion Impossible, où tu parlais de stratégie de choix d'urinoir pour pas être dérangé. Ou la stratégie de vidage de rouleau de papier toilette quand il y a plusieurs papiers toilettes, pour être sûr qu'il n'y ait jamais les deux vides en même temps. Alors, c'est surtout que c'est... C'est le genre de sujet qui rentre parfaitement sur mon blog, hein, et essayer de parler de maths sous un angle un peu différent. Et au final, en fait, le premier là sur le choix de l'urinoir, c'est parce que j'étais tombé. J'avais lu un article qui parlait de ça, j'ai trouvé ça assez marrant. Ensuite, celui sur la quadrature du rouleau de papier toilette, ça c'est Robin en fait qui m'a fait penser à ça quand il avait fait son dossier sur. C'était sur, je sais plus sur quoi, sur l'infiniment petit, je crois. Il avait parlé de calcul d'air et au final, ça m'a refait penser que j'avais vu ça. C'était un prof qui nous avait parlé de ça, de comment calculer l'air des papiers de toilette. Et au final, je me suis dit aussi que fallait à un moment donné que j'en parle et du coup, là, j'en ai eu l'occasion. Et le dernier sujet, je crois, sur le papier toilette, je crois que ça a été fait par Donald Knuth, l'inventeur du LaTeX. Et du coup, c'est assez marrant de voir qu'une grande personnalité des sciences, finalement, puisque c'est grâce à lui que tous les papiers sont écrits et qu'ils sont jolis. Ouais, donc pour rappel, le LaTeX, c'est un langage qui permet d'écrire des formules mathématiques de manière lisible. C'est ce qui est utilisé pendant la plupart des ouvrages où il y a des formules de maths. Et ça a été inventé donc par ce monsieur. Donald Knuth, il a étudié en fait le problème du papier toilette. Donc il n'y a pas que moi qui parle de papier toilette, hein, même les plus grands. Non, oui, tout à fait, mais je dois dire que pour un blog de maths, on s'imagine pas à ce que ce soit un sujet qui revienne. Je sais pas si les autres ont des questions. Moi, je suis un peu déçu que ton prénom soit Gigi, je pensais que c'était juste J. Tu veux dire que ce soit auto-référencé, quoi? Ouais, c'est ça, un J fractal, un J en abîme, un J carré. J'utilise parfois aussi la notation J au carré, hein, si on regarde sur mon blog, dans le titre de mon blog, il y a un petit dessin. Et si on regarde sur le dessin, il y a le nombre J qui est représenté. Et il y a aussi le nombre JJ qui est représenté, si on cherche bien. D'accord. Il faut que j'aille voir. D'autres questions, sinon? Moi, je n'ai pas de questions, mais c'est vrai que j'aime bien écouter les mathématiciens. Je les trouve toujours un peu bizarres quand même. Mais c'est fascinant quand même comment votre cerveau fonctionne. Hein. C'est intéressant. Ou pas. Hein. Ou pas bon. mais c'est super, oui. Bah justement, du coup, pour LGG, où c'est qu'on peut te retrouver du coup sur l'Internet mondial? Alors, donc sur l'Internet mondial, il y a mon blog, Chou Romanesco, Vache qui rit et Intégrale Curviligne. Mais l'URL est beaucoup plus simple que ça. Alors, l'URL, c'est ljjdx.canalblog.com. Alors, pourquoi DX? Alors, DX, parce que juste avant, j'avais créé un blog qui s'appelait LJJDT, et donc j'ai changé de variable. Donc, c'était encore pour le même problème, c'est parce que LJJ, c'était que 4 caractères, il en fallait 6 au minimum, donc j'ai dû rajouter quelque chose. Et pour avoir une notion un peu mathématique, DT... Pour les non-matheux des auditeurs, donc DX ou DT, ça symbolise la différentielle, la dérivée un peu globalement, pour faire simple. Donc les variations, sans en dire plus. D'accord, donc ljjdx.canalblog.com. Et on te retrouve ailleurs, sinon t'as un Twitter aussi, je crois. Alors j'ai un Twitter, alors ça doit être LJJ, je crois. Oh, un nom simple. @LJJ, et je trouve aussi sur Facebook, donc j'ai la page. D'accord. Chou Romanesco, Vache qui rit, Intégrale Curviligne. Bah écoute, bienvenue, donc tu es notre invité de l'émission Freestyle, tu as le droit de participer quand tu veux pour dire ce que tu veux, et je crois que tu vas même participer à la fin sur une contribution personnelle. Et là je vais laisser la parole à Alan sur le quiz du mois. Ouais, alors pour rappel, il s'agissait cette fois de « Peut-on sauver des vies par simple transplantation de matière fécale ?» Un faux ou un tox. Alors on a reçu plein de réponses dans plein de formats bizarroïdes. On va peut-être commencer avec une réponse de Romain Automail qui dit... Alors, qui dit « Salut à tous, vu que ma précédente réponse au quiz du mois n'a pas pu être ouverte par Alan, j'ai fait plus simple cette fois-ci, bonne chance pour le décodage. » Alors, pour la petite histoire, Romain nous avait effectivement soumis une réponse au quiz du mois précédent sous forme d'un exécutable Windows. Alors, aucun membre de l'équipe n'a réussi à l'ouvrir, faut dire qu'on n'est pas beaucoup sous Windows. Qu'à cela ne tienne, Romain nous a proposé une nouvelle version sous forme d'un rébus, et cette fois, le code a été craqué par Alan. En gros, ça disait... Enfin, c'était des petits dessins, et puis il fallait trouver... Chaque dessin correspondait à une syllabe, et ça disait, en gros, « da, pré, le, be, le, o, ge, science, infuse ». Donc, d'après le blog « science, infuse », et je vais vous lire la suite sans insister sur les syllabes, « cela permet d'apporter la flore microbienne d'un individu sain vers un individu malade. » Pour une fois qu'un de vos quiz est vrai. Alors, on a aussi reçu une participation de Julien Patate. Alors, salut, voici ma réponse pour le quiz du mois, nous dit-il. J'ai essayé de faire ça dans un format insolite. J'ai donc choisi une application Android. Il nous donne le lien vers l'application en question qu'on vous communiquera sur le site de l'émission. J'ai utilisé un site pour fabriquer ça, d'où les pubs dans l'application. Alors, il va falloir décrire l'application Android en question. Pour l'application, on peut la décrire, hein, pour les auditeurs, c'est pas très compliqué. Hein. Globalement, il y a une page où il y a deux choix. Soit on va vers la réponse, soit on quitte l'application. Et si on va vers la réponse, bah, la réponse s'affiche. Et la réponse est, voici ma réponse pour le quiz dans un format insolite. Désolé pour la qualité, je ne suis pas un pro. Pour moi, c'est une info. La transplantation fécale est une technique qui consiste à prendre les selles d'un sujet en bonne santé pour l'introduire dans le côlon de la personne malade. Cela permettrait de rétablir l'ordre dans les bactéries du côlon. J'avais découvert ça il y a un moment dans l'apéro du Capitaine, podcast un peu moins scientifique, si peu. De nombreux articles sont trouvables sur Internet pour expliquer la chose mieux que moi. Voilà, alors sinon on a eu des réponses dans un format encore plus improbable de David Loureiro. Je te laisse décrire l'image et puis je tente des explications derrière. Enfin, remarque, on a David, donc il va peut-être expliquer lui-même. Hein. Ouais, bonne idée. Qu'il assume. Donc c'est une image avec des rouleaux de papier toilette, hein, pour les auditeurs. En fait, ça vient d'un site qui parle, en plus, je crois, de la transplantation fécale. Mais c'était pas ça l'intéressant. En fait, le message était caché avec de la stéganographie, qui est le fait de pouvoir dissimuler dans des images, en fait, des messages ou d'autres images même. Et donc là, l'idée, c'est d'utiliser une méthode qui s'appelle la méthode de least significant byte, où en fait, comme sur les images, les couleurs sont encodées sur un certain nombre de bits, bah, on utilise les bits de poids les plus faibles. Ceux qui sont les moins utiles pour afficher l'image. Voilà. Bah, je pense qu'en plus, tu dois sûrement pouvoir mieux expliquer ça que moi. Alors, je connaissais pas la méthode en détail, mais l'idée, oui, c'est ce que tu dis, c'est qu'on code donc sur des bits des 0-1, et il y en a qui servent pas à grand-chose, on les connaît. Et donc, l'idée, c'est dans cela d'aller y mettre de l'information à un texte. Et du coup, quand on affiche l'image, ça change pas grand-chose, c'est comme si on rajoutait un tout petit bruit, et au final, bah, on peut relire un texte en le décodant, quoi. Mais attends, c'est quoi le rapport avec les rouleaux de papier toilette ? Aucun. C'est juste qu'il a choisi l'image des rouleaux de papier pour cacher son message. Et à titre informatif, donc on a récupéré l'image. Moi, j'ai essayé d'y faire des changements de contraste, de regarder les bandes de couleurs et compagnie. Et c'était beaucoup plus simple à faire que ça. C'est-à-dire qu'il y a des scripts qui décodent tout de suite par magie, te font apparaître un texte quand tu leur fais manger une image. Et du coup, la réponse de David était « Réponse au quiz du mois, on peut sauver des vies par simple transplantation de matière fécale, info ou intox. » Donc là, il nous mettait même un titre, il faisait ça bien. En avant-propos, il félicitait d'avoir décodé, alors en fait, on a été beaucoup aidés. Et la réponse à proprement parler est, je dirais, un faux. Ce qu'a l'air d'en dire Wikipédia semble confirmer le procédé. J'ai d'ailleurs aussi un vague souvenir d'un épisode où vous aviez fait avec le public et des dessinateurs où Topo avait mentionné que des bébés animaux étaient coprophages, ils mangent leur déjection, et que cela leur permettait d'acquérir la flore intestinale nécessaire. Bon, sinon, on a eu quand même des gens qui nous ont envoyé des messages un peu classiques, quoi, donc des pauvres messages textes, comme Swoog. Alors, il nous a dit « Je réponds info ». En effet, il me semble bien en avoir entendu parler quelque part. Après moult recherches dans mon cerveau en surchauffe, je suis complètement débordée et je vous dois encore une retranscription d'épisode. J'ai enfin mis le doigt sur ma source. Et quelle source ? Impossible de la contredire car ce n'est rien d'autre qu'un épisode de Grey's Anatomy. Je vous colle le lien du synopsis, donc ça j'imagine qu'on va le mettre sur le site internet. Et je vous laisse le soin de résumer. Pour ma part, je retourne à mes heures sup, coucou patron, et aux couches de bébé. Bonne soirée à toute l'équipe et que la science soit avec vous. Et puis il nous a aussi mis, hélas pour mes oreilles, je viens de trouver une autre source. Plus que douteuse, donc incontestable, concernant le quiz, j'ai nommé l'ami BMO dans le podcast numéro 173 de l'apéro du Capitaine, qui nous fait tout un dossier sur nos excréments. Bien amicalement, Swoog. Donc c'est Behemoth dans l'apéro du Capitaine. Alors quand on cite Grey's Anatomy, je sais pas s'il y a vraiment besoin de preuves supplémentaires, mais on va quand même attendre la réponse officielle, on sait jamais. Du coup, on a un autre message de JFK. Qui nous dit... Pour l'infox, je dirais info. Dans certains cas, une défaillance de la flore intestinale pourrait être réparée en y incluant des matières étrangères aux patients. Le caca, c'est surpuissant, nous écrit-il dans un langage SMS. Parfait. Sinon, on a Vincent Le Breton qui répond aussi au quiz du moment. La transplantation de matière fécale peut tendre à sauver des vies en remplaçant le biotope intestinal malade ou agressif du patient, support de vie microbienne bactérienne, par celui plus sain et actif du donneur. Je crois me souvenir que malgré les résultats encourageants, il se pose toujours la question des effets secondaires, puisqu'il a été démontré médicalement que chaque individu a un biotope qui lui est propre d'une part et que les recherches actuelles tendent à prouver que la centaine de milliards de bactéries qui peuplent cet écosystème influencerait directement certains de nos processus neuronaux, voir le documentaire diffusé sur la chaîne Arte, Le Ventre, notre deuxième cerveau. Et longue vie à Podcast Science et félicitations au nouveau dictateur. Ah oui, d'ailleurs, j'ai entendu il n'y a pas longtemps que, en fait, maintenant, il y a des gens qui essaient d'aller analyser la composition des bactéries dans le tractus intestinal et que ça serait aussi caractéristique et spécifique que les empreintes digitales, en fait. D'accord. Ouais, c'est marrant. Bon, et sinon, enfin, on a encore la réponse d'Alma Moka, Jean-Félix, Alnitam, Thierry Lériche et Cyril Lemoine qui nous disent tous info. Bon, je vous propose de les citer sans lire les réponses. On a plein de messages ce soir, alors on a été obligé de faire une petite sélection. En tout cas, ça a l'air de faire l'unanimité parmi les auditeurs. Et peut-être juste avant la réponse d'Alan, je sais pas si LJJ, tu as un avis sur la question. Alors, moi aussi, en fait, j'avais envoyé ma réponse, mais apparemment, tu as pas dû la recevoir. Ah, non, on l'a pas sous la main. Tu avais dit quoi alors ? Alors, donc j'avais envoyé aussi un message codé. Le problème, c'est que comme j'ai pas gardé ma phrase de base, je ne sais plus ce que j'avais répondu. Mais en gros, j'avais répondu info. Bah du coup, la réponse officielle du dictateur déchu. Alors, la voilà. Bon, quand j'ai lancé le quiz, moi, je savais pas que l'apéro du Capitaine en avait parlé dans son épisode 71. Ça démarre à 1h pile. Flop. Pour une fois que mon quiz était une info, toute la podcastosphère le savait déjà, grâce à une source fiable, bien sûr, et au-dessus de tout soupçon. Alors, bah, tu prends de la merde, donc d'un donneur. Oui. Est-ce que les donneurs, c'est compliqué d'être donneur ou... Non, tu vas à la banque du sperme, tu peux essayer de conjuguer les deux si t'es fort. Donc tu prends ta merde, tu la rinces. Et donc il la rince avec du sérum physiologique et il la liquéfie. Et ils font un mélange à peu près d'un litre avec de la merde et du sérum physiologique. Ok. C'est comme un lavement anal. Voilà, sauf que c'est à l'envers. Un litre de merde. Mais attends, ils doivent le faire combien de fois? Ah bah, alors ça, c'est par séance trop, de lit. Mais je crois qu'une fois déjà, si le gars arrive à bien garder la merde, pas mal. Ok, d'accord. Il suffit de mettre un bouchon après. Voilà. Donc en fait, la qualité de la merde compte un peu quand même. Bon, que dire après ça ? Tout est dit ou presque. Donc oui, c'est bel et bien une info. On va quand même en parler un petit peu. On va parler donc de transplantation fécale ou infusion probiotique fécale ou bactériothérapie fécale ou encore greffe fécale, si on veut être un peu moins dégoûtant. On va commencer par poser le décor. Nous avons tous entendu parler de flore intestinale. Cette appellation poétique pourrait presque donner à penser qu'un joli papier floral tapisserait les parois de notre intestin, tels les murs d'un tea room britannique. Cette flore, en réalité, n'a rien de décoratif. On commence seulement à comprendre ce qu'elle est, comment elle fonctionne et l'importance cruciale qu'elle joue dans plusieurs aspects de notre vie. Pour vous donner une idée des proportions, saviez-vous que seuls 10% des cellules de votre corps contiennent votre propre ADN ? Eh oui, pour 10 cellules dans un corps humain, une seule est humaine et 9 ne le sont pas. L'ensemble de ces cellules non humaines constitue ce qu'on appelle le microbiote. Et c'est pas du tout une question d'hygiène. Que vous sortiez de la douche propre comme un sous-neuf ou que vous ne vous soyez jamais lavé de votre vie, quelques 8000 espèces de bactéries colonisent votre langue. Oui, je sais, voilà qui va rendre votre prochain baiser un peu moins glamour, désolé. Si ça peut vous aider à retrouver un peu de votre romantisme perdu, dites-vous que ces échanges de bactéries sont très utiles pour la bonne marche de votre système immunitaire. On trouve également plus de 4000 espèces dans la gorge. Et roulement de tambour, près de 34 000 espèces font tourner la baraque dans vos intestins. Alors selon l'excellent blog Sweet Random Science, dont je ne vous recommanderai jamais assez la lecture, qu'elles se baladent dans vos oreilles, dans votre nez, le pli de votre coude, votre vagin ou ailleurs, ce sont plus de 54 000 espèces de bactéries qui vous accompagnent en bonne intelligence. Et dire qu'il nous arrive de nous sentir seuls. Si vous vous demandez combien de monde ça fait en tout, cellules humaines et bactéries comprises, rendez-vous chez David Loipre sur le non moins excellent, science étonnante. Aux dernières nouvelles, on parlerait de quelques 100 000 milliards de bactéries par être humain. Donc 100 000 milliards en tout pour un petit 10 000 milliards de cellules humaines uniquement. Bon, maintenant on va se concentrer sur le kilo et demi de bactéries qui nous squattent les intestins. Vous pensiez que ce sont de vilains parasites qui profitent sournoisement du chauffage et des restes? Détrompez-vous. C'est un contrat gagnant-gagnant. Si on leur offre effectivement le logis, nos bactéries intestinales nous permettent de métaboliser des aliments que nous ne pourrions pas traiter nous-mêmes et de tirer un maximum d'énergie de tout ce que nous ingérons. Chez l'humain, comme chez les autres mammifères, l'intestin est cliniquement stérile à la naissance. Ce qui constituera la base de la flore intestinale est transmis par la mère, via le lait maternel, dès les tout premiers jours de la vie. Alors du coup, ça a été possible de faire l'essai avec des souris qu'on a maintenues dans un environnement stérile après la naissance et qui sont restées vierges de toute bactérie intestinale. Résultat, elles étaient un peu mal foutues et rachitiques. Elles devaient ingérer 30% de calories en plus pour atteindre le même poids que leurs frères et sœurs pourvus d'un microbiote efficace. Ah, et si vous vous demandez si le coût du lait maternel est le vecteur de choix pour tous les mammifères, vous vous sentirez particulièrement heureux d'être né homo sapiens en apprenant que les bébés éléphants, les hippopotames, les bébés koalas, les pandas aussi notamment, arrivent au même résultat par d'autres moyens. Ils ne font pas de chichi, ils mangent les crottes maternelles, spontanément, en toute simplicité. Bon appétit. Alors, on sait également que le microbiote joue un rôle essentiel sur la santé, l'immunité et assure même des mécanismes anticancéreux. Mais c'est pas tout. Plus on s'y intéresse et plus on se rend compte que tout reste encore à découvrir. Après avoir séquencé le génome humain, pour se faire une idée de qui nous sommes vraiment, on s'intéresse désormais à ce qu'on appelle le microbiome. Et on découvre tous les jours des effets inattendus. Pour faire court, ça va loin. Très loin au-delà des simples effets mécaniques sur l'alimentation de notre santé. On sait désormais que le microbiote a un rôle à jouer dans la dépression, l'anxiété, et même l'autisme. Alors ça va ouvrir sans doute la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. Alors si à partir de maintenant vous avez l'impression de commettre un génocide à chaque fois que vous prenez des antibiotiques, bienvenue au club. Oui, parce que ça c'est le problème, c'est un vrai problème. Les antibiotiques ne discriminent pas entre les bactéries pathogènes contre lesquelles ils doivent lutter et les gentilles, entre guillemets, les gentilles bactéries du microbiote, de votre microbiote préféré. Alors en cas d'antibiothérapie prolongée, il peut arriver qu'une espèce de bactérie qu'on appelle Clostridium difficile, particulièrement résistante, profite de l'hécatombe pour squatter les lieux. Et elle, par contre, elle est pas sympa du tout. Alors permettez-moi un petit détour par une histoire du docteur Carl, le monsieur science de la radio australienne, dont vous savez accessoirement que c'est ma rockstar. Il nous raconte l'histoire de cette femme de 61 ans, dont la pneumonie a été traitée par antibiotiques. Le traitement est venu à bout de la pneumonie, mais il a malheureusement pulvérisé sa flore intestinale, comme ça arrive souvent. Désormais victime d'une infection par Clostridium difficile, justement, elle a perdu 27 kilos en 8 mois. Elle s'est retrouvée confinée à la chaise roulante, tant elle était affaiblie. Elle devait porter des couches, car elle souffrait de diarrhées violentes toutes les 15 minutes, elle n'avait même plus la force de se rendre aux toilettes. Tous les traitements tentés par ses médecins s'étaient soldés par un échec. Elle était mourante. Faut dire que le Clostridium est une vraie cochonnerie. L'incidence des maladies qui lui sont liées a augmenté de 50 fois au cours des 20 dernières années. La bactérie devient de plus en plus virulente, elle résiste de plus en plus aux antibiotiques. Alors en désespoir de cause, le gastro-entérologue de la dame, le docteur Alexander Korut de l'université du Minnesota, a opté pour un traitement encore peu courant, la transplantation fécale justement. À l'aide d'un colonoscope, il a collecté 25 grammes de fesses, c'est un mot savant pour dire caca, chez le mari de la dame de 15 ans son cadet, un homme en pleine forme. Le médecin a mixé son prélèvement avec 300 ml d'eau et injecté le tout dans la dame, toujours à l'aide d'un colonoscope, c'est-à-dire par derrière. Ceci dit, il y a plein de variantes possibles. Si vous voulez savoir par quel bout on peut attaquer le problème, je vous renvoie à l'excellent article de notre ami Vincent Judis, qui était venu nous raconter l'histoire de l'ADN il y a 15 jours. C'est donc le blog Dessous de Science. Alors revenons à nos colons. Aussi étonnant que ça puisse paraître, les résultats furent spectaculaires. Dès le lendemain, plus de diarrhée. Dès le surlendemain, des selles bien tassées, comme on les aime. Elle a repris des forces très rapidement. 14 jours après l'intervention, sa flore intestinale ressemblait comme deux gouttes d'eau à celle de son mari. Et après 6 mois, les médecins ont cessé de la suivre parce qu'elle se portait comme un charme. On suppose qu'elle se porte toujours aussi bien aujourd'hui. Cette histoire, bien sûr, n'est qu'un exemple. En fait, les premiers essais de bactériothérapie fécale remontent à 1958 par le docteur Eisenman et ses collègues, une équipe de chirurgiens du Colorado. Et les taux de guérison sont spectaculaires. Une récente étude en double aveugle rapporte un taux de succès de 94% pour cette technique versus 31% pour la vancomycine, un antibiotique particulièrement efficace. Le succès est tel que de nombreux médecins cessent de considérer la bactériothérapie fécale comme une solution de dernier recours. On commence même à l'utiliser pour traiter des cas de colite, de constipation, de côlon irritable et même des troubles neurologiques. D'ailleurs, des chercheurs américains travaillent actuellement à isoler les germes intéressants de l'échantillon du donneur pour produire des pilules qui pourront simplement être avalées comme n'importe quel médicament. Ce qui facilitera évidemment grandement l'acceptation du traitement et réduira les risques parce que, contrairement à la coloscopie, cette technique ne sera pas invasive du tout. Nous pouvons donc fermer ce quiz en toute sérénité. C'est bel et bien une info. La bactériothérapie fécale, ou plus prosaïquement la transplantation de caca, sauve bel et bien des vies. Alors n'hésitez pas à en parler à votre médecin, il va nous adorer. Bravo. C'est marrant, ça me fait penser à deux choses un peu différentes, mais je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas habité en France et en Europe, mais aux États-Unis, il y a vraiment une mode d'utiliser des savons antibactériens. C'est vraiment... les Américains, ils ont un peu tendance à avoir peur des bactéries et de tous les germes, et c'est difficile de changer les habitudes, et je pense que c'est une grosse erreur qu'ils font, en fait, en essayant à tout prix de tuer toutes les bactéries, et il y a plein de savons antibactériens, et c'est vraiment, je pense, une erreur. Et la deuxième chose à laquelle je pensais, qui est un peu différente, c'est quand j'étais interne des hôpitaux à Lyon et biologiste, c'est une autre utilisation du caca, mais c'est quand même super important d'utiliser les fesses donc comme diagnostic biologique. Donc c'est pas la transplantation, mais c'est quand même un outil diagnostique super important. Donc les biologistes, nous, on utilise les matières fécales énormément. Je ne veux pas dire qu'on baigne dedans, mais vraiment c'est vraiment important. Quoi. Ouais, super intéressant. Je pense qu'on a vraiment encore beaucoup de choses à apprendre. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un dossier là-dessus. Un dossier sur le caca, ouais. C'est une bonne idée. Mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup. Hein. Quand on a des gens qui sont malades, qui perdent du poids, qui vomissent, etc., il y a tellement de... On retrouve tellement de choses dans la matière fécale, au point de vue parasites, etc., cristaux. On apprend énormément, effectivement. Hein, et les tests bactériologiques sont vraiment très, très importants, effectivement. Ouais. Écoute... Info intéressante, je pense qu'en effet c'est une affaire à suivre et donc c'est un beau, une belle rencontre entre l'apéro du Captain et Podcast Science en tout cas. Voilà, donc aujourd'hui, tenez votre sang, tenez votre merde. Bon, et au passage, donc, on va mettre plein de liens et de références là-dessus dans les notes de l'émission. Et il faut remercier Pouillot pour les illustrations originales dans le cadre de son bizutage collectif sur Strip Science. Donc, je vous invite à aller voir tous ses dessins. Merveilleux. Ouais, alors, pour info, il y a un billet dédié à cette réponse au quiz qui sera référencé dans les notes de l'émission, mais qu'on trouve sur le blog podcastscience.fm. On la trouve déjà maintenant. Et il y a déjà les illustrations de Pouillot. Merci Pouillot, c'est vrai. Super cool ces dessins. Voilà, sinon on va faire un rapide retour sur le quiz du mois précédent. Je te laisse parler Alan, parce que je fais un envoi de dessins. Ok, alors c'était sur le quiz « Les singes ne savent pas nager ». On avait diffusé lors du précédent freestyle un message d'Aleph Tour, mais on a omis de partager l'image qui y était attachée, à savoir un intox en sémaphore. Donc évidemment, il nous a écrit pour râler. Il a dit « Je pense depuis un bail à ce genre de réponse, mais j'ai un peu tardé, je me suis fait un peu doubler par les moulins à vent du dernier épisode avec Billy. Là, pas de code source, mais en comptant le nombre de lettres, tu devrais pouvoir tricher. » Puis donc, il y avait une image de sémaphore qu'on doit trouver maintenant sur la page de live, qu'on trouvera bien sûr dans les notes de l'émission. Je ne me rappelle plus maintenant, honnêtement, ça fait un petit moment si on l'avait décodé ou pas. Mais c'était très sympa, une très jolie image. Bon, et sinon, tant qu'à faire les retours, là, il y a un vrai scandale. Et c'est le retour sur le quiz du mois, il faut laisser le noyau de la Volca dans le guacamole. On a reçu un message de Gaudry qui remet en question le protocole expérimental d'Alan. Donc je vais lire le message. « Bonjour, je viens d'écouter la réponse au quiz du mois concernant le guacamole et je souhaite modérer une interprétation d'Alan sur sa petite expérience destinée à vérifier les sources qu'il a exploitées pour donner une réponse. Tu indiques avoir rempli l'espace laissé libre par le noyau d'un demi-avocat avec du jus de citron vert. Tu observes que c'est ce demi-avocat qui a le moins noirci. Tu conclus alors que cette observation s'explique par l'acidité du jus qui inhibe l'activité enzymatique de la tyrosinase. Je conteste ce point précis. Je pense qu'une autre explication est possible et qu'il serait facile de vérifier par une simple expérience. Comme tu l'as indiqué, le noircissement de la chair est moindre quand un contact direct entre l'air et celle-ci est rendu difficile ou impossible. Le fait de remplir l'espace laissé libre par le noyau avec un liquide ne suffit-il pas à limiter ce contact? L'acidité de celui-ci est-il le paramètre majeur ou n'intervient-elle pas du tout? Je propose donc de demander un grant pour financer l'achat d'un avocat, d'un citron vert, d'un couteau et d'un peu d'eau. Le couteau servira à séparer en deux moitiés d'avocat, le noyau sera évidé et l'espace laissé libre sera rempli pour l'un avec du jus de l'eau et l'autre avec du jus de citron. Si une différence importante de noircissement est observée, alors je ferai amende honorable et reconnaîtrai la validité de l'explication proposée. Jusqu'à ce moment, je maintiendrai qu'il n'est pas possible de savoir quelle est la contribution du paramètre acidité à l'observation que tu as faite. Cordialement, Gaudry. Eh ben voilà la bonne attitude, ne pas croire sur parole. Voilà, tout à fait, et de proposer une vraie expérience pour vérifier. Exactement. Bon, résultat, alors j'ai essayé. Car servir la science est ma joie. J'ai donc rempli le trou laissé par le noyau et fait en sorte que la surface du fruit soit couverte par le liquide. J'ai mis d'un côté, donc j'ai coupé mon avocat en deux, hein, j'avais deux moitiés côte à côte. J'ai mis 21 ml de jus de limette dans mon demi-avocat côté A et 21 ml d'eau dans l'autre moitié d'avocat côté B. Alors résultat, après 24 heures, la moitié A, à la limette donc, est nickel. C'est marrant, d'ailleurs environ un quart du liquide s'est évaporé, donc ça reste mouillé, ça fait un petit effet de piscine. La moitié B à l'eau par contre est moche et brune et surtout elle a l'air un peu pourrie. C'est assez drôle en fait, la quasi-totalité du liquide a disparu. Ah bon, comme les conditions d'humidité et de température de la pièce, parce que c'était sur mon frigo dans ma cuisine, les deux moitiés étaient côte à côte, donc température égale, condition d'humidité égale, je ne pense pas qu'il s'agisse d'évaporation. L'avocat semble avoir absorbé l'eau, en fait, du côté flotte, alors que j'imagine que l'effet astringent du citron a fait que c'est resté humide de l'autre côté. Alors bon, l'avocat, déjà qu'il a bruni, il n'était pas terrible, en plus, en ayant absorbé l'eau, il a juste l'air un peu boueux, ça donne pas envie du tout. Et donc ça, c'était hier, le résultat après 24 heures. Le résultat après 48 heures, c'était il y a une heure. J'ai pris des photos, c'est à peu près idem. La moitié A à gauche, limette, donne pas spécialement envie, mais ça va, quoi. Enfin, il y a quelques traces un tout petit peu changées de couleur, mais globalement, l'avocat est resté vert. C'est marrant, il y a toujours un peu de liquide au fond du trou. Par contre, de l'autre côté, c'est vraiment dégueulasse, pas appétissant du tout. C'est tout brun, marron, caca, dégueulasse. Donc, Gaudry, je crois qu'il va falloir que tu changes d'avis, là, à moins que tu aies un nouveau protocole expérimental. On trouvera le Grant, il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'on a une explication à pourquoi les bords de l'avocat n'ont pas noirci dans les deux cas ? Ils ont moins noirci, en fait, mais ils ont noirci quand même. C'est vrai que sur la photo prise au flash, on voit pas tellement. D'accord. Mais ça s'est un petit peu oxydé quand même. Je crois qu'Irène voulait aussi préciser pour nos éventuels auditeurs non anglophones ce que veut dire Grant. Oui, Grant en anglais, c'est, en fait, en français, c'est bourse, une bourse. Ouais, c'est ça. Un financement. D'accord. Et on passe au gros de l'épisode, à savoir les retours d'auditeurs. C'est moi qui vais commencer. Donc, on a reçu beaucoup de messages d'auditeurs reçus depuis le début de l'année et la rentrée de Podcast Science. D'une part, parce qu'on a eu pas mal de dossiers, 6, et d'autre part, parce que les dossiers ont suscité beaucoup de réactions, souvent positives, un peu plus mitigées dans certains cas, on va y revenir. On a malheureusement dû faire une sélection parmi les 70 messages reçus au 9 février pour que l'émission dure moins de 5 heures. Il n'empêche qu'on est toujours autant ravis qu'un message arrive. On essaie de répondre au moins soit par mail, soit dans les commentaires des différents posts. Et puis certains des messages sont sélectionnés ce soir pour en rediscuter tous ensemble. Bref, on commence par la plus ancienne, mais ça devrait être assez frais dans vos esprits. La retranscription est arrivée il n'y a pas longtemps, on remercie encore jamais assez Julie et toute son équipe pour les retranscriptions et pour le fil rouge de cette émission. C'était l'émission sur les LED avec Nicolas Grandjean, je pense pas me tromper en disant qu'elle a fait une vraie unanimité. Donc d'abord on a une participation de Fred. Alors Fred, il nous dit « Excellent épisode, moi qui aime la physique et les sciences appliquées, cela faisait quelque temps que je n'avais pas trouvé un tel condensé d'infos intéressantes sur le sujet sur Podcast Science. Merci. Concernant le fait que les rubis et les diamants ne valent en pratique pas grand-chose, je vous fais suivre cet article très complet de 1982 qui explique comment De Beers contrôle le prix de pierres qui ne valent en pratique pas grand-chose. » Et là, nous avons un lien. Enfin bon, là, on va le mettre sur le site internet, je pense. Oui, tout à fait. Pensez-y avant d'acheter la prochaine bague à votre moitié. Donc, pour rappel, c'était donc Nicolas Grandjean qui nous expliquait que ça valait rien, le diamant qu'on pouvait en fabriquer, qu'on en faisait tous les matins. Ouais, alors là, attendez, je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps qu'il y a, une boîte qui propose aux gens de leur envoyer les cendres des corps des gens qui ont été inhumés et d'en faire des diamants, en fait. Donc, vous envoyez les cendres de votre personne que vous chérissez, moyennant quelques, je crois que ça vaut environ 5 ou 6 000 euros, et ils font des diamants. Avec. C'est quand même fou, ça. Hein, ah ouais, c'est marrant, ouais. Ah, c'est du meilleur esprit, c'est vraiment c'est très bon esprit, ouais. Délicat. Bah, vous gardez votre grand-mère avec vous toute votre vie. Hein. C'est grave. En même temps, entre Chérie, ta bague de fiançailles, c'est mon grand-papa. Oui. Casier en train de vas sur le avec les cendres de grand-papy sur la cheminée et une bague au doigt en même temps. Et puis tu peux offrir ta grand-mère à ta moitié comme ça, c'est bien. Voilà, c'est de bon goût, ouais. C'est plus sympa que de la faire empailler, en tout cas. Sinon, on a une participation de Laurent, toujours sur ce sujet, sur les LED. Qui nous dit « Bonjour, je ne fais que très rarement des commentaires sur les podcasts que j'écoute, mais je dois avouer que le numéro 157 m'a tenu scotché du début à la fin. Les explications données sur les LED furent de bout en bout une réjouissance acoustique. Cette façon d'amener le sujet étape par étape, le côté vulgarisation et la facilité qu'il avait d'en parler de manière si adaptée au grand public malgré son prestigieux background scientifique m'ont littéralement fasciné. Si mon prof de physique m'avait enseigné cette matière de cette façon, je n'aurais pas eu tant de difficultés à trouver ma voie. Preuve de qualité, vous êtes quasi tous restés muets pendant l'exposé. Et c'est pas peu dire. Encore merci pour ce podcast et que 2014 vous soit rempli d'invités de cette qualité. Laurent. Ouais, donc voilà, c'est globalement l'idée de tous les messages qu'on a reçus. Je crois qu'on va s'associer au fait que c'était une super émission. Il va falloir que tu nous fasses revenir Nicolas Grandjean, Alan. Challenge accepted. Il nous parlera de laser la prochaine fois. Il faut juste qu'on fixe une date. Super. Je sais pas la date, mais ce sera à 16h. C'est ça. Ok, du coup, on passe à l'émission suivante qui a fait un peu moins l'unanimité. On enchaîne donc, c'est l'émission sur l'économie, dont le bilan était un peu plus mitigé. C'était une discussion intense entre Draculito et Olivier Smicar Casanova. Ah oui, Simard. Olivier Simard Casanova, on va pas la restituer ici, donc c'est une discussion qui s'est faite un peu sur les commentaires du dossier. On vous invite à aller la consulter, c'était assez intéressant, c'est sur les notes d'émission de l'épisode et sur... Il n'y avait pas de dossier, non, c'est que sur les notes d'émission de l'épisode. Draculito était plutôt parmi les déçus, mais je pense qu'Olivier s'est plutôt bien défendu et a su défendre et a su convaincre un peu le poditeur et puis aussi les autres personnes qui étaient peu convaincues, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont participé. Donc d'abord, il y a Speud qui a mis un message. Pour ma part, lorsque j'ai pris connaissance du sujet traité, j'étais assez frileux, nous dit-il, et je m'attendais à une émission un peu rasoir. J'ai été agréablement surpris par la présentation du thème et ses exemples, certes un peu généralistes, mais toujours intéressants. Je laisse de côté les questions comme « est-ce une science à part entière ?» ou « l'approche économique actuelle n'est-elle valable qu'en notre temps et en notre société ?» pour trouver la discussion captivante. J'aime m'informer de tout. La pluridiscipline de Podcast Science fait aussi sa force. Je suis assez d'accord avec Speud. Et pour ce qui est de ceux qui laissent de côté, à savoir est-ce une science à part entière, je pense que les discussions nous ont pas mal convaincus de la nécessité justement de faire un épisode de podcast science sur ce qu'est une science, ce qui ne saurait tarder. Ce qu'est une science, c'est d'en refaire aussi sur l'économie en effet. Ouais. Tout à fait, oui aussi. Ouais. Moi j'avais trouvé ça très intéressant. On a Mantine aussi qui a participé sur un message. Alors elle nous dit bravo pour le challenge Olivier, je suis toutefois restée perplexe comme certains auditeurs, mais j'ai surtout retenu que la science économique était une science jeune. Je me laisse donc aller à un petit troll, si l'économie a 150 ans, on pourrait la comparer aux sciences au Moyen-Âge. La religion était alors au pouvoir en Occident et la science ne devait pas contredire la religion sous peine de bûcher. La religion, aujourd'hui, a laissé place au capitalisme et les économistes doivent exercer leur discipline dans le respect de ces principes. Je sais bien que beaucoup d'économistes réfléchissent à une sortie du capitalisme, le salaire à vie ou autre, mais je rejoins le scepticisme de certains par rapport au « j'avais prédit la crise ». En fait, les économistes manquent de l'humilité des physiciens, par exemple. Be seeing you, Mantine. Je ne sais pas trop ce que veut dire « beating you », mais... Ouais, je crois que c'est son expression traditionnelle. C'est la signature de Mantine, ouais. Voilà. Tac. C'est... Super. Ouais, bah, super intéressant. Donc, c'est voilà, des messages un peu plus mitigés, mais intéressants. Et puis, donc, finalement, on laisse le fin mot à Mathieu. Ouais, donc Mathieu qui avait organisé cet épisode, donc c'est lui qui avait invité Olivier Simard Casanova et qui l'avait suivi. On lui laisse le mot de la fin dans le débat. Le débat n'est pas forcément terminé, hein, ça continue dans les commentaires de l'émission. Et donc Mathieu disait, perso, je pense que ça a été un excellent exercice de parler d'économie sur Podcast Science et je remercie Olivier pour sa participation. J'aime apprendre et comprendre comment fonctionne le monde. Partant de ce postulat, je suis d'avis que l'économie a son mot à dire pour nous aider à comprendre le monde dans lequel on vit, au même titre que les sciences considérées comme plus dures. Et comme le mentionne un commentaire, la pluridiscipline de Podcast Science fait sa force. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur cette phrase-là. Absolument. Et on est tout à fait pour, et je pense qu'on le refera, de parler d'économie sous toute forme et essayer d'avancer un peu, de savoir... On a parlé d'autres choses où on ne savait pas très bien si c'était des sciences ou pas, donc ça vaut le coup d'en savoir plus et de continuer là-dessus. Bon, on passe à un sujet où on est à peu près sûr que c'est de la science ou au moins de la technologie. C'était un dossier de Irène sur les microscopes. Donc, on continue donc avec ce dossier. Donc, même chose que pour Nicolas sur les LED, globalement, c'est un dossier qui a passionné et qui a reçu que des félicitations. Donc, une belle entrée en matière, Irène. Merci. On a d'abord un sujet de Stéphane. Bonjour, un très bon dossier. Irène, tes connaissances mélangées à ton enthousiasme et à ta grande pédagogie nous donnent un dossier des plus plaisants et des plus clairs à entendre. Deux questions suite à l'écoute de ce dossier en différé. Peut-on avoir un ordre de grandeur des échelles de prix de chaque équipement pour se rendre compte du type d'institution qui peut avoir accès à cette technologie? Les microscopes optiques, on les trouve vraiment on peut en trouver certainement à 20 euros dans les rayons de jouets des magasins jusqu'à des millions d'euros en fait. Hein. Donc il y a vraiment toutes les échelles de grandeur. Les microscopes électroniques, en revanche, là, on tape dans le million d'euros. Et les AFM, c'est plutôt le demi-million en fait d'euros. Voilà, d'accord. Donc c'est dans ces ordres de grandeur. Ok, c'est très bien. je pense que ça répond parfaitement à la question de Stéphane. Concernant les technologies permettant de visualiser les échelles atomiques, vu qu'un atome est composé essentiellement de vide, avec un nuage d'électrons qui bouge à toute vitesse et un noyau d'une taille bien inférieure, que peut-on voir réellement, nous demande-t-il. Je crois que tu l'avais un peu expliqué dans ton dossier. Alors oui, ça c'est une bonne question, effectivement. Est-ce qu'on va voir du vide? C'est presque philosophique comme question, parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, ce qu'on détecte le plus souvent, c'est les forces finalement. C'est, c'est, euh, c'est les effets de ces particules que l'on détecte, hein, et on reconstitue ensuite la, la structure. Hein. Et ça devient en fait philosophique dans ce sens. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire de toucher un objet à l'échelle de à l'échelle du nanomètre? Qu'est-ce que ça veut dire toucher en fait? Donc c'est difficile de répondre à cette question. Effectivement, maintenant on a des moyens technologiques pour comprendre la structure de la matière. Est-ce que ça veut dire qu'on peut voir, toucher, sentir? Je ne crois plus que ça s'applique vraiment qu'on puisse utiliser ce genre de d'approche enfin, vraiment. Voilà, c'est ma réponse maintenant. Peut-être que ça se discute, peut-être, hein, mais c'est comme ça que je le vois en tout cas. D'accord. Et Stéphane concluait par un encore merci pour votre contribution. Voilà. Et ben, merci à toi, Stéphane. Et Irène revient la semaine prochaine, mais vous saurez ça à la fin de l'émission. Et bien sûr, on a Alma Moka qui nous a fait une superbe contribution. Donc Alma Moka qui dit « Le numéro 159 d'Irène sur les microscopes avait le ton aussi enthousiaste que celui avec Clara Moreau. Le sujet était clairement présenté, avec un dossier bien maîtrisé et illustré avec des figures explicatives pour les néophytes comme moi. L'historique était instructif, surtout que toutes ces technologies semblent complémentaires. Très bonne recrue franco-californienne. » Bah c'est gentil, ça. Voilà, donc... un dossier qui a fait une métier. Alors bien sûr, je précise, hein, Alma Moka, comme d'habitude, nous a envoyé des longs messages avec plein de dessins, des gifs animés et tout. On vous a fait un résumé, mais on lit toujours avec plaisir en entier les messages d'Alma Moka. Mais que là, comme on avait beaucoup de contributions, on n'a pas pu tout relire. Du coup, on passe à l'émission 160 sur les exoplanètes. Donc c'était Johan qui était un invité qui est venu nous parler des exoplanètes. On a d'abord une participation d'Alnitam qui dit « Bonjour, chouette épisode, c'était super instructif et intéressant. Apparemment, la nouvelle équipe s'en sort pas mal. Un défaut tout de même, je n'ai entendu aucun nonante, ni même pire, aucun nonante. » Nonante, et le premier c'était... Ça devait être octante. Un octante, ouais. Voilà. Non, mais octante, ça n'existe pas. J'en sais rien, ces mots bizarres. Bon, vous êtes durs à la comprendre. Soyons clairs. Maintenant, 70, 80, 90. Maintenant qu'on a changé de chef, Podcast Science compte en base 20. Il y a Julie qui a mieux compris que nous le sens du message d'Alnitam et qui nous signalait que ce qu'il ou elle voulait dire, c'était qu'Alan en fait préciser toujours quand il disait 90, il disait 90-90. Donc, c'est ça, histoire d'expliquer. J'essaye de traduire pour les gens qui ne savent pas compter jusqu'à 100, en fait. Mais nous, on compte en base 20, c'est beaucoup plus clair. Ouais, mais il faudrait être cohérent, tu vois, 3-20, 80, 5-20, tout ça, ce serait cool. Je vais y songer. Ouais, c'est bien. Ou alors, on comptera dans une autre base. Tu veux qu'on compte en quelle base, LJJ, qui doit toujours être dans le coin? Allez, en base pi. Ça, c'est drôle. Alors, j'ai découvert récemment qu'il y a un système de calcul assez original en Polynésie, dans lequel il compte en base 10 jusqu'à 10, mais après, il compte en base binaire. Ben voilà, ça me paraît parfait. Ouais, ça me semble sympa. Et il prononce ça comment, le binaire 01001? En fait, donc de 1 jusqu'à 9, c'est Taï, Rua, Toru, etc. Et après, le 10, c'est Tako. Le 20, c'est Paua. Donc, par exemple, pour dire 60, 60, ça va être 40 plus 20, donc Tataua, Paua. D'accord. Bah, ça me paraît très bien comme nouvelle méthode de comptage. 40 plus 20, ça ressemble quand même furieusement à 70... Ou 80, non, 90, c'est encore plus compliqué. Enfin, arrête de râler avec cette méthode universelle de comptage. Bah, 90, non. Ça serait 80 plus 10, donc ça serait Varu Taco, 90. Non, mais, enfin, déjà 80, conceptuellement, c'est bizarre, quoi. Ce serait 80 plus 10. Bref, un éternel débat, quoi. Et bien donc, on passe du coup à l'épisode 161. On se rapproche furieusement de l'épisode actuel, et c'était le sexe et l'évolution. Avec un message de Stéphane R., tant qu'il ne nous dit pas exactement comment on sait pas comment on prononce son nom. Encore un super dossier, drôle, vivant, pédagogique, équivoque à souhait, mais surtout vraiment enrichissant, en apportant un éclairage complètement nouveau pour moi sur le sexe. Merci à toute l'équipe de Podcast Science et surtout à Billy pour ce dossier. Je pense que nous aussi, on remercie énormément Billy. Ouais, super dossier, en effet, bah, qui a eu des bons retours. Finalement, il n'y a pas eu trop de déçus qui pensaient qu'elle allait plus faire du vrai sexe que ça. Ouais, au contraire, je crois que c'était plutôt des messages positifs auxquels elle n'a pas répondu pour le moment. Parce qu'elle nous a dit qu'elle serait en vacances, hein, cette semaine. Du coup, je crois qu'elle n'a même pas accès à Internet. Elle va être toute contente, je pense, en voyant tous les retours positifs qu'il y a eu, parce que ça a plutôt fait l'unanimité, en fait. Et par contre, donc, c'était l'épisode 162, pas l'épisode 161. Entre les deux, il y avait un épisode sur... il y avait un autre épisode, vu que c'était l'épisode de la semaine dernière sur le sexe. Du coup, là, on a quelques retours sur des émissions un peu plus anciennes, mais qu'on n'avait pas eu le temps spécialement de faire et où on trouvait que ça valait le coup d'y revenir. D'abord, sur la lumière. Alors, c'était un message de Tuilier Charmet qui demandait, y a-t-il... Donc, c'était en réponse au dossier sur l'électromagnétisme qui était venu nous présenter notre ami Julien. Il disait, y a-t-il une relation entre électromagnétisme de la Terre et la vision qu'un arc-en-ciel est courbe ? Donc, on a relayé la question à Julien, qui a répondu à l'arc-en-ciel. C'est le bonheur de mes élèves que je reçois en début d'année scolaire. Je joins l'exercice que je propose aux étudiants avec la correction. Donc, il nous met un lien sur la correction. Vous trouvez tout ça dans les commentaires de son dossier, ainsi qu'un schéma que je viens de faire ici. L'arc-en-ciel, enfin l'arc primaire que l'on observe, c'est deux réfractions et une réflexion qui ont lieu dans la goutte d'eau. Si on étudie la déviation subie par un rayon en fonction de l'angle d'incidence de celui-ci, on se rend compte qu'il existe un angle pour lequel la déviation est minimale et qu'autour de cet angle, les angles proches renvoient la lumière pratiquement dans la même direction. Il y a donc une accumulation de lumière dans cette direction définie par l'angle DM, déviation minimale. Un angle complémentaire de DM, DM', peut aussi définir cette direction privilégiée de la lumière. Ainsi, c'est un angle DM', par exemple, qui définit où il y a accumulation de lumière. Cet angle définit un cône de sommet de l'observateur. Si on coupe ce cône par un plan, un rideau de pluie, on obtient un arc de cercle. Il est coupé par le sol terrestre. Dans le deuxième schéma, on voit que les gouttes qui sont les plus basses dans le rideau renvoient le bleu, celles du dessus le vert, ceci car la déviation minimale est plus grande pour les radiations bleues que pour les radiations vertes. Alors le bleu se situe proche du centre de l'arc-en-ciel primaire, ensuite le vert, etc. S'il y a deux réflexions au lieu d'une, on a un arc secondaire avec inversion des couleurs. L'explication de l'arc-en-ciel ne fait intervenir que des notions d'optique géométrique, notions de rayons lumineux, pas d'optique ondulatoire, diffraction par interférence par exemple. Donc en résumé, en fait la réponse courte c'est non, il n'y a pas de relation entre l'électromagnétisme de la Terre avec la vision qu'un arc-en-ciel est courbe. Ok, super, réponse très complète, rien à rajouter. Et sinon, un petit retour sur le dossier du frigo que je vous avais fait. C'est une remarque de Choteau qui dit « L'introduction du dossier n'est pas très claire. Comment faisait-on avant l'invention du frigo? Si on entend « Comment faisait-on pour faire du froid ?» Alors le dossier répond effectivement à cette question, mais pas si on entend « Comment faisait-on pour conserver les aliments ?» L'utilisation du sel pour la conservation n'a pas été abordée dans l'épisode, c'est dommage, c'est intéressant et c'est un élément à un ancien quiz du mois. Je reste toujours sceptique au fait que le sel donne de l'hypertension vu que l'on n'a jamais aussi peu mangé de sel depuis l'invention du frigo justement. Donc je voulais relayer ce message parce que bon, moi mon but c'était en effet de parler du frigo et c'est vrai que ce serait hyper intéressant de parler comment on conserve les aliments avec le froid déjà, pourquoi le froid conserve les aliments, et puis aussi avec d'autres méthodes, typiquement comme le sel, qui est toujours malgré tout pas mal utilisé, même dans les aliments surgelés, quoi. Ouais, je suis pas sûr d'ailleurs qu'on ait jamais mangé aussi peu de sel que maintenant. C'est vrai qu'on en a plus besoin pour conserver la viande. Oui et non, parce que alors j'ai pas voulu faire la remarque parce que j'ai pas vérifié en détail, mais ouais. Quand tu regardes à Picard ou quoi, les choses qui sont conservées en surgelé, elles sont très salées, hein. Ouais, absolument, tous les donc, plats pré-cuisinés. Je pense que même salés. Le fait qu'on utilise les frigos et congélateurs, ça empêche pas d'utiliser pas mal de sel en fait. C'est ça. En fait, on bouffe plus aujourd'hui que jamais dans notre histoire, et puis tout est hyper salé. Du coup, vraiment, je me méfierais de cette assertion. Mais dans, ouais, dans les plats cuisinés, le sel, c'est pas plutôt comme exhausteur de goût qu'il est utilisé, plus que pour la conservation ? Ah oui, c'est sûrement pas pour la conservation, effectivement, mais on s'est habitué à ce goût très salé, et puis c'est apparemment ce qu'on recherche, quoi. Enfin voilà, donc en tout cas, c'est un retour intéressant, et c'est vrai qu'il faudrait aussi qu'on parle du sel, quoi. D'autres marques, Alan, LG, sur les dossiers passés ? Non, alors c'est vrai qu'on a reçu tellement de messages d'auditeurs, de commentaires. Ça, en gros, c'est à peu près les choses qu'on a reçues par mail essentiellement. On a reçu plein de trucs aussi sur Twitter, sur Facebook, dans les commentaires. Tout ce qu'on n'a pas reçu par mail, en fait, est en ligne. Hein. Vous avez la possibilité d'aller le voir. C'est vrai qu'à ce stade, on reçoit tellement d'informations que ça devient juste impossible de tout relayer. Mais Nico, tu le disais très bien, ça nous fait quand même toujours plaisir. On lit tous les messages, même si on n'arrive pas à répondre à tout, ce qu'on essaye de faire malgré tout. Et puis surtout, si on ne peut pas tout relayer, parce que c'est vrai que ça nous ferait des émissions de 4 heures. Quoi. Mais c'est cool, merci beaucoup. À chaque fois qu'on reçoit un message, ça nous met du baume sur le cœur. Merci. Ok, bah du coup, on passe à d'autres messages divers et variés, et parfois un peu what the fuck. Donc un petit florilège, ça commence par Louis. Ouais, alors Louis qui nous dit à toute l'équipe, merci pour la qualité de vos podcasts. Je les télécharge quasi tous avec une prédilection pour les thèmes en relation avec la cosmologie, les mathématiques et la physique. À 61 ans sonnés, je regrette de ne pas vous avoir connu il y a 42 ans. Vous m'auriez certainement fait aimer plus mes cours en prépa. Mais comme il n'est jamais trop tard, je télécharge vos MP3, je les écoute en voiture pendant mes trajets. Quel délice! Je regrette presque de ne pas avoir plus d'une heure de transport pour vous écouter en une seule traite. Je suis sûr que je finirai par comprendre la théorie M un jour si vous abordez ce thème, ce que j'espère. À bientôt sur votre podcast. C'est quoi la théorie M? La théorie M, c'est une grande théorie du tout en physique. C'est une théorie qui unifie la physique quantique et la cosmologie. C'est une extension de la théorie des cordes, en fait, que tu évoquais récemment. Oui. Ah, d'accord. Et ben, je vais continuer. Alors, on a un message de Willem qui nous dit « Amateur de sciences et ingénieur, j'en apprends tous les jours grâce à vos podcasts. Tout simplement, merci et surtout, continuez. » Sinon, donc, on a un message de Kevin Moulard sur SpeakPipe. Bonjour à toute l'équipe de Podcast Science. Tout d'abord, un très grand merci pour votre boulot, pour vos dossiers toujours plus surprenants et toujours plus intéressants. Alors, dans l'optique de faire un message sous un format spécial, je me suis dit, tout le monde veut faire un format spécial. Ben, pour être spécial, finalement, il faut être banal. Donc voilà, je vous envoie tout simplement ça par message audio, par votre site. Alors, tant que j'en suis à parler du site, je ne sais pas trop qui je dois congratuler, mais il est génial. Chaque fois que je recherche une info, chaque fois que je recherche un lien, ben, je le trouve super rapidement. Donc je voulais remercier Nico, Alan, tous ceux qui ont bossé sur ce site, il est vraiment génial, continuez comme ça. Bon, par contre, toute règle mérite ses exceptions, et celle-ci n'en fait pas exception. Quand je dis qu'à chaque fois je trouve ce que je veux chercher, ben en fait c'est pas tout à fait vrai. Cette fois-ci, par exemple, là je cherchais comment on peut écrire du texte avec des équations, comme c'était le cas dans un message particulièrement original que vous avez reçu d'un de vos auditeurs. Alors si vous pouviez me communiquer les sites ou le site qui permet de faire ça, parce que je n'ai vraiment pas trouvé sur le vôtre, ce serait vraiment super. En attendant, moi je retourne servir la science, mais avec joie, grâce à vous. Petit message rajouté au montage après, parce qu'on s'était trompé lors de l'émission sur le son en passé, et qu'on n'avait pas passé ton message, Kevin, pour répondre à ta question. J'imagine que tu faisais allusion à un message que nous avait envoyé LJJ, où il traçait avec des courbes le mot « intox ». Alors, il n'y a pas de logiciel tout fait qui te permettra, avec des courbes, avec une équation mathématique, de tracer un mot. Ce qu'a fait LJJ et ce que j'ai fait par la suite pour lui répondre, c'est que j'ai essayé de découper ce mot en plusieurs fonctions simples, principalement des droites et des morceaux de cercle, et je les ai placés au bon endroit sur un plan pour pouvoir que ça fasse apparaître le mot. Par exemple, dans le mot intox qu'avait tracé LJJ, il y avait une droite verticale, la première barre du i, deux morceaux d'art de cercle qui faisaient les deux barres supérieures et inférieures du I. Pour le N, c'était trois morceaux de droite. Pour le T, c'était un morceau de droite et un art de cercle. Pour le O, c'était une ellipse. Et pour le X, c'était deux morceaux de droite. Tout ça, ça te donne plein d'équations. Et après, en faisant les bonnes multiplications et en définissant les domaines de définition de ces différentes courbes, ça trace le mot. Autant dire que c'est un gros travail qui sert pas à grand-chose en plus. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous reposer la question et nous envoyer un mail si tu n'as pas compris ce que je viens d'expliquer là. Et si je réponds de travers, pareil. Et si tu as envie de t'y essayer, on pourra par contre t'envoyer des liens pour voir les courbes tracées en entrant une équation de courbe. Voilà, on reprend l'émission. Bon alors au passage, Julie qui a préparé toute cette émission, elle en profite pour remercier tous les poditeurs, dont Kevin, qui nous ont signalé l'application Otranscribe pour les retranscriptions. C'est vraiment un super outil et elle l'a utilisé pour la retranscription des LED et ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc c'est une application qui reconnaît les textes dans l'audio et donc vous avez tous sauté dessus quand ça existait et a priori ça marche très très bien. Et au passage, merci aussi pour tous ceux qui nous ont signalé que maintenant on peut envoyer des signaux de fumée avec les iPhones. Yes. Des vrais signaux de fumée. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une app plus une espèce de device sur lequel on pose l'iPhone et puis il y a effectivement de la fumée qui sort, quoi. C'est vrai, non ? Ouais, c'est vrai. C'est pas encore en vente, mais c'est un prototype. Bon, alors Julie me signale que non, ça marche pas parfaitement la retranscription, mais ça aide pas mal. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même encore du boulot. Ils ont encore du mérite à faire des retranscriptions, ce dont on doutait pas. Et donc je vous invite à aller les lire parce qu'elles sont vraiment très très bien faites et on se rend même pas compte que c'est des retranscriptions, quoi. On pourrait croire que c'est des dossiers. Ok, sinon, on a eu un message de Cyril Lemoine aussi. Ouais, qui dit « Bonjour, je vous avais envoyé un encouragement d'Hawaï et je n'ai même pas été nominé au trophée Podcast Science. Je vous avais aussi promis un message venant du Vanuatu. Vous adorez tous les moyens de communication, et bien sachez que le Vanuatu possède la plus grande densité de langues. Je ne vous envoie pas ce message en langue locale. Je les ai même vus utiliser une langue conçue pour se prévenir entre villages. Dans les croyances locales, j'ai découvert le mouvement de John Furm et du culte du cargo. Super drôle. Allez, mon coup de gueule est fini et j'espère bien être nominé aux Oscars 2014. J'espère bien aussi. On est vraiment désolé, Cyril, d'avoir loupé, enfin de ne pas t'avoir nominé. C'est un peu la honte. Par contre, si tu es toujours au Vanuatu, alors s'il te plaît, tu t'arranges pour faire traduire notre petite phrase de fin, le petit slogan, que servir la science soit votre joie. S'il y a tant de langues que ça au Vanuatu, je suis sûr que tu vas nous sortir un florilège. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai raconté des bêtises concernant le message d'Hélène Val, le premier, que servir la science soit votre joie, dans une langue autre que le français. En fait, je n'ai pas dit de bêtises concernant le message à proprement parler. Son message que j'ai relayé, tout était correct. Par contre, j'ai dit qu'elle se trouvait au bord du fleuve Amazon, ce qui n'est absolument pas vrai, puisqu'elle est en Guyane française, et puis elle se trouve du coup à peu près aussi près de l'Amazon que moi je me trouve de la Volga. Donc, désolé pour cette fausse information. N'empêche que... D'où qu'elle nous ait envoyé ce message, ça reste quand même délicieusement exotique pour nous, qui n'y sommes pas, puis ça nous fait rêver à chaque fois. Et merci, puis elle raconte n'importe quoi en nous faisant croire qu'elle dit « servir la science, c'est votre joie ». Ah, ça, c'est possible, hein. On va pas pouvoir vérifier. Tiens, ce serait intéressant qu'on ait un retour d'auditeur. Oui, j'avoue. Je me suis fait insulter, c'était pas sympa. C'est ça. Bon, sinon, on a un message de Maël. Qui nous dit « Bonjour, j'ai découvert récemment votre podcast via un tweet de La Tête au Carré. » Ça, c'est sympa. Que j'écoute régulièrement. Parce que d'habitude, ouais, d'habitude, c'est l'inverse. Les gens découvrent La Tête au Carré grâce à notre podcast. Ouais, c'est un peu ça. J'ai tout de suite accroché. Moi qui suis statisticien à la base, mais prof de maths depuis un an maintenant, j'en apprends sur le hasard, même si je pensais que ça n'avait plus de secret pour moi. Alors que sur France Inter, j'aurais plutôt des exemples pour faire comprendre à mes amis ce que je sais déjà. Sur Podcast Science, j'apprends. Malheureusement, je suis toujours en décalé de plusieurs semaines avec le direct, donc pas de proposition de réponse orale au quiz. Kenavo, Kentatro, Ha, Dalhit, Davond, Maël. Je pense que la prononciation était complètement pourrie, j'en suis absolument désolé. C'est donc du breton, et ça veut dire « salut à la prochaine et bonne continuation ». Parfait. Wow, c'était impressionnant. Hein. D'ailleurs, merci à nos amis de la Twittosphère et de Facebook. On a dû activer la Braze Connection pour traduire ce message, parce que les outils qu'on trouve en ligne ne s'en sortaient pas. Un message de Locke. Alors, il nous dit « J'ai découvert ce podcast il y a moins d'une semaine et je me régale. Quel plaisir de se dire qu'il m'en reste des dizaines et des dizaines devant moi. Un grand bravo et un grand merci donc. Et une petite question. Quel est le titre de la musique d'intro des podcasts, c'est-à-dire le son électro ? Alors c'est vrai qu'on le dit pas assez souvent, c'est une musique qui est libre de droit, qui se trouve sur Jamendo, et là je vais te laisser te dire le nom de l'auteur, parce qu'il est assez imprononçable. Alors de mémoire, et on sait ce que ça vaut en ce qui me concerne, le compositeur s'appelle Binaire Pilote, B-I-N-A-R-P-I-L-O-T, avec un tréma sur le A, et la chanson s'appelle Goof. Ouais, c'est ça. Et pour info, c'est le même artiste qui fait aussi la musique qu'il y a dans les bonus après les émissions. Ouais, et le générique des blogs audio. C'est lui aussi, mais c'est un autre morceau. Donc, et c'est le même album, je crois, si, parce que je crois qu'il a fait qu'un album ou peut-être deux. Non, il en a fait plusieurs. Mais en fait, le bonus, c'est carrément, enfin, les petits bouts qu'on met dans les bonus, c'est carrément la même chanson, enfin le même morceau, quoi, qui dure, je sais plus, 5 ou 6 minutes dans sa version intégrale. Je l'avais mis une fois la version intégrale, je crois, dans la fin de l'émission. Oui, c'est juste, ouais. Ouais, il est génial. Écoutez, j'adore, quoi. Il y a plein de variations autour du thème principal, avec toutes sortes de, j'ai envie d'appeler ça des figures de style. Mais c'est très cool, ça vaut la peine de l'écouter. Donc voilà, et vous pouvez le télécharger gratuitement du coup sur Jamendo, et même je pense que vous pouvez même lui donner de l'argent si vous aimez bien ce qu'il fait. Donc ouais, c'est vrai, il y a une possibilité de faire des dons. Ouais. Donc sinon on a un message de Marc qui dit qu'il a aussi découvert le podcast récemment. Quel bonheur d'avoir 160 épisodes de retard, je peux me faire des orgies de science pendant mon trajet au travail. Au passage, ça pourrait être une bonne idée d'annoncer la date du jour au début du podcast. Ça permet de situer dans le temps pour ceux qui, comme moi, ont plusieurs années de retard. Encore merci pour tout, Marc. Effectivement, il doit y avoir plusieurs années de retard parce que ça fait des années qu'on le fait. Je crois que je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Ah bah bravo. Je dis le numéro d'épisode, mais j'ai pas dit la date. Donc comme quoi. Le mercredi 19 février 2014. Bon, bah du coup, on en a fini avec les messages d'auditeurs. Je sais pas s'il y a des messages dans la chatroom, si quelqu'un a relevé ça. Pas tellement, il y en avait un peu trop en fait, désolé. Sinon, on va passer à la quote. Alors, comme on est dans une émission freestyle et il se trouve qu'on avait un invité, il nous a amené une... C'est pas une quote, mais c'est un peu une quote quand même, quoi. Donc c'est un énoncé mathématique. Alors, soit phi, la science, munie de la relation d'ordre S, définie par x inférieur à y par rapport à la relation S, si x sert y. On suppose que la borne supérieure de phi est 3, donc soit x appartenant à phi, s'il existe une famille yi appartenant à phi, telle que pour tout x appartenant à la famille des y, x est plus petit que y, alors x est inférieur à 3. Autrement dit, que servir la science soit votre joie. Et ça fait un cœur en plus, c'est mignon. C'est ça la joie, c'est inférieur à 3. T'en penses quoi des quotes depuis que t'es plus dictateur, Alan ? J'en pense que vous avez transformé ce podcast que j'aimais en une espèce de podcast math, un délire de math. Voilà, non, franchement, quand j'avais invité les contributeurs à dire notre petite phrase fétiche dans toutes les langues, j'avais pas imaginé une dérive pareille. Vous êtes terrible, il faut penser à tout. Bah écoute, c'est sympa d'avoir la version maths de Que servir la science sur votre joie, c'est quand même chapeau. Hein. Bravo LGJ, hein, merci surtout. Ouais, bravo, même si c'était horrible. Mais non, c'est pas horrible, attends. Il y a travaillé en plus, quoi. Moi j'admire, hein. Franchement, j'admire. On va passer à David Loureiro, qui est venu spécialement pour nous, et en fait ça fait 2 semaines là qu'il bosse à nous faire des statistiques de l'année 2013 sur le podcast. Donc bah David, c'est à toi, dis-nous ce qu'on a fait l'an dernier. Donc j'ai essayé de regarder différents trucs, alors ça va de stats générales comme la durée globale des émissions, nombre d'épisodes, d'audioblog, ou nombre d'invités, ce genre de choses. Et puis t'as fait des divisions, des multiplications, t'as multiplié par notre âge, etc., histoire d'avoir des chiffres, quoi. Voilà. Puis comme vous avez changé de dictateur, en plus ça a tout changé, il a fallu que je refasse tout 3 fois. Donc je me suis servi globalement des infos qu'il y avait sur le site du podcast, de SoundCloud, de chez Epic, il y a Alan qui m'avait filé l'accès à Google Analytics, et puis Twitter. Alors je pense que ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous faire un petit résumé des infos principales, et de toute façon on fera un post sur le site pour vous aurez tout le truc complet avec les stats. Donc c'est l'année 2013, c'était 44 épisodes. Avec 26 dossiers, 13 interviews, 3 freestyle et 2 hors-série. Il y avait des thèmes assez variés, donc les mathématiques avec les épisodes de Robin sur le hasard, sur des personnages comme la vie d'Eddie Lamarck que tu avais fait, Nico, ou sinon comme ceux de David sur le phénotype étendu ou l'histoire du maître par Alan. Donc finalement des thèmes assez variés. Il y en a certains de ces épisodes qui ont été faits par des invités, j'en ai compté 48. Il y en a qui sont récurrents comme Topo ou Billy par exemple. Et un truc intéressant, c'est que ça attire du monde parce que finalement, entre 2013, si on regarde la fréquentation du site, entre 2013 et 2012, on a une augmentation de 80% de la fréquentation. D'accord. Donc chapeau. Et qui est une augmentation en fait un peu continue. Il n'y a pas eu de pic plus particulier que ça, c'est ça ? Alors en fait, je crois qu'il y en a eu un fin 2012 où ça a explosé. Mais je pense que c'était la fin du monde en fait. Ouais, c'est voilà. C'est l'épisode fin du monde où on a eu un squat assez royal. Sinon, t'as remarqué que les proportions de chaque type d'épisode a pas mal évolué aussi. Ouais. Ce qu'on remarque, c'est que à partir du deuxième trimestre, en fait, il y a eu pas mal de c'était des interviews. Vous avez fait vachement d'interviews en fait par rapport au premier semestre où il y avait plus de dossiers typiquement. Donc voilà. Alors après, pour revenir sur les histoires de quiz, il y a eu 9 intox pour 2 infos. Comme quoi, il y a des choses qui se vérifient. Alan, un commentaire là-dessus ? Nya, nya, nya. Sinon, les épisodes, en fait, ça a cumulé, je crois, 66 heures. Donc il y a 66 heures d'enregistrement. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve sur les... Sur l'année. Le plus long, ça a été l'épisode sur l'évolution est-elle une science, qui dure près de 3 heures. Qui a une merveilleuse retranscription. Ouais. On ne le dira jamais assez. Et pour parler des retranscriptions, je sais que j'avais regardé. Donc en fait, il y a 8 retranscriptions qui ont été faites sur l'année 2013. Et en fait, quand Julie est arrivée, il y en a eu, je crois qu'elle en a fait 4 en 2 mois. Donc pour en avoir fait une, c'est un boulot un peu de fou furieux. Donc bravo Julie. Tout à fait, bravo Julie. Sinon, tu as fait aussi un peu des mesures sur les réseaux sociaux ? Ouais. Alors, je me suis concentré sur Twitter principalement. C'est un peu compliqué de trouver des résultats sur purement l'année 2013, mais depuis le départ. Alors, le premier tweet, c'était le 14 mars 2011. Alors, j'ai pas fait la recherche pour trouver de quoi il s'agissait. Il y a eu 3200 tweets. Il y a plus de 1900 personnes qui suivent Podcast Science. Il y a 1900 personnes qui suivent? Ouais. Ça évolue perpétuellement. Il y a 1925 Là. Moi, j'étais resté à 1000, c'est fou. Peut-être que tu peux parler aussi des gens les plus influents de Podcast Science sur Twitter. Je crois que c'est une info importante. Ouais, voilà. La personne la plus retweetée, étonnamment, c'est un certain Nico Tup, je crois. Qui donc a accès aux deux comptes. Très loin devant Pierre Kerner et le Café des Sciences. Pierre Kerner, qui est deuxième, bah, c'est cool, il nous fait de la pub, quoi. En fait, alors c'est l'utilisateur le plus retweeté par Podcast Science. Ah, par Podcast Science, oui, d'accord. Ouais. Oui, donc non, ça, c'est juste que c'est nous qui lui faisons de la pub, alors. Voilà. C'est qui dit des choses intelligentes et puis qu'on les retweet, en fait. C'est ça. Et il n'a pas mis un bot pour se faire retweeter automatiquement par Podcast Science. C'est pas légal, ça, non plus. Bah, t'en fous, t'es dictateur, tu fais ce que tu veux maintenant. Mais tu l'étais pas en 2013, alors j'ose même pas imaginer ce que ça va donner en 2014. Ouais. Écoute, j'ai pas encore 1900 followers comme Podcast Science. Hein. Bref. Donc après, il y a tout un tas de stats marrantes. Voilà, de toute façon, on publiera donc ces stats hein, sur le site, parce qu'en effet, t'as fait un travail un peu de malade. T'en avais encore une, là, tu disais ? Non, mais un truc marrant, c'était sur les origines des territoires. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que sur toutes les visites, il y en a plus de 2000 qui viennent de La Réunion. Donc ça, a priori, ça doit être à l'EFTO. Ah ouais, quand même. Sur les visites, en tout, il y a presque 380 000 visites. D'accord. Et donc, très majoritairement des gens français. Et puis, il y a 0,4% des visites, par contre, c'est des Espagnols. Donc, a priori, ça doit être Mathieu. Et sinon, dans les choses un peu plus geeks, tu as des stats aussi sur les systèmes d'exploitation de nos auditeurs. Ouais. Et donc, c'est Windows qui domine majoritairement, avec iOS derrière, et d'accord. Mac. Donc, il y a plus de gens qui nous écoutent avec des iPhones ou des iPads qu'avec des Mac. Ouais. C'est amusant. Mais ça, ce n'est pas les stats d'écoute, hein. c'est les stats non, c'est du les site stats web. De visite du site web, hein, tout à fait. D'accord. Les stats d'écoute, ben, alors ça, c'est pour information. Donc, c'est un petit jeu. Hein. Les stats, ce n'est pas à prendre comme argent comptant, hein, parce que les stats sont très compliqués à faire. Le nombre de visites, c'est semi-fiable, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment fiable, mais tout le monde se fie à la même source, donc on peut comparer aux autres. C'est Google Analytics, cette source-là. Et au niveau des stats de download et d'écoute du podcast, c'est un vrai flou. Enfin, c'est très vague, quoi. On n'a pas vraiment de chiffres stables. En fait, le chiffre le plus confiant sur le fait qu'on est écouté, c'est vos retours. C'est pour ça qu'on aime bien avoir des commentaires. Je sais pas si t'as un mot à dire là-dessus, Alan. Que, ouais, effectivement, c'est pas stable. Qu'on a changé de méthode de comptage début 2013 parce qu'on a changé de système de diffusion du podcast. On avait notre propre truc qui était hébergé sur le blog jusqu'à ce que finalement ça craque parce qu'il y en avait trop. Et on est passé sur SoundCloud. Alors, on a les stats de SoundCloud quand même hein, qui nous montrent qu'un épisode est grosso modo, tu m'arrêtes si je dis bêtise, David, sur une année, il est téléchargé peut-être 3600 à 4000 fois, quelque chose comme ça, avec quelques petits pics d'audience. Après, on a un phénomène de longue traîne qui fait que l'une dans l'autre, les épisodes continuent d'être téléchargés longtemps après leur diffusion. Donc, on est, j'avais calculé une fois qu'on était à peu près à 5000 écoutes, enfin, downloads par épisode en moyenne. Et puis, ce qui veut dire que l'une dans l'autre, on est gentiment en train d'arriver au million. En fait, il faudra qu'on fasse la fête. Quand on additionne les chiffres de SoundCloud et les chiffres de notre compteur d'avant, je sais plus à combien on est maintenant, 900 et quelques mille. Tiens, il faudrait que je regarde. Si ça se trouve, on a fait le million. C'est quand même beau. On sait que ça ne veut pas dire grand-chose parce que il y a sans doute des épisodes qui sont téléchargés et qui ne sont pas écoutés, en fait. Parce qu'une fois qu'on est abonné au fil RSS, ben voilà, le logiciel télécharge tout seul. Il y a des effets aussi amusants, c'est que souvent les épisodes de physique théorique ou de maths sont plus écoutés et au fil des discussions avec les auditeurs, c'est plutôt qu'ils le réécoutent plusieurs fois que le fait que ça intéresse plus de gens. C'est ça, ouais. J'ai rien compris, je le retélécharge, je réessaye, je m'acharne. En fait, plus il est compliqué, plus il y a l'écoute. Donc voilà, c'était quelques mots sur les stats. Donc on publiera là sur le site un dossier plus complet, là, ce qu'a fait David. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires, à proposer d'autres méthodes de calcul, d'autres multiplications par le numéro de la page, le numéro de la rue, pour avoir plein de stats. C'est rigolo, quoi. Et ça doit pas être plus que juste être rigolo, c'est pas la peine de trop se casser la tête là-dessus. Alors, entre-temps, on a eu des côtes. On a eu une côte de LJJ. Je te laisse la dire, du coup. Alors, mon accent anglais étant déplorable, si quelqu'un peut la lire en anglais. Bah, je vais vous le faire. Alors, « Knowledge speaks, but wisdom listens ». C'est de Jimi Hendrix. Ça doit être notre première côte de Jimi Hendrix. Je suis un peu ému. Merci, LJJ. Et ça veut dire, donc, la connaissance, le savoir parle, mais la sagesse écoute. C'est beau. Ouais. Ok, bah sinon on arrive doucement vers la fin de l'émission. Peut-être juste, on va passer au pitch de Irène. Irène, tu nous fais un petit pitch de ce dont tu vas parler la semaine prochaine ? Alors la semaine prochaine, je vais vous parler des hormones. Et donc ça sera le premier épisode d'une série. Et donc ça va consister d'abord une présentation générale du système endocrinien chez l'homme et la femme, comment ça s'organise. Et ensuite, dans ce premier épisode, on parlera de quelque chose qui est un petit peu compliqué, mais quand même le point de départ de l'organisation générale, c'est le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et j'essaierai de mettre plein d'anecdotes très intéressantes pour rendre ça plus marrant et pour que ça passe mieux. D'accord, voilà. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on voit pas trop ce que c'est, mais c'est pour ça qu'il faut venir la semaine prochaine. Exactement. Bon, et sinon, donc, il faut passer au prochain quiz. Donc là, on a résolu le quiz du mois et les quiz passés. Donc le quiz du moment, c'est est-ce que si un aimant colle sur une casserole, ça permet de dire qu'il va fonctionner sur une plaque à induction, que la casserole va fonctionner sur une plaque à induction. C'est clair comme ça ou pas ? Non, vas-y, reformule. Donc le test de l'aimant, ça consiste à dire j'essaie de mettre un aimant sur ma poêle ou ma casserole. Vous pouvez essayer chez vous avec vos magnettes de frigo. Et si l'aimant reste collé à la casserole ou à la poêle, ça veut dire qu'elle pourra être utilisée sur une plaque à induction. Sinon ça marchera pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le test de l'aimant. C'est un test, c'est un peu une légende urbaine où tout le monde dit, ben voilà, faites le test de l'aimant, essayez sur vos casseroles de mettre un aimant. Si l'aimant colle, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser sur vos plaques. S'il colle pas, c'est que ça marche pas. Et je demande si c'est vrai ou faux. Si c'est une vérification qui est tout à fait réelle ou si ça marche pas. C'est autant légende urbaine que le test du portable dans le micro-ondes, non ? Ah, ben je sais pas, parce que, ben écoute, on verra. C'est quoi le test du portable dans le micro-ondes ? Si tu mets ton portable dans le micro-ondes et que tu fermes la porte du micro-ondes et que tu essayes de t'appeler, la légende dit que si ton micro-ondes n'a pas de faille, enfin si ça fait bien cache de Faraday, le téléphone ne sonne pas. Alors tu sais que j'ai fait l'essai, les fréquences GSM, elles passent. Par contre, le Bluetooth ne passe pas. C'est super intéressant. Tu mets ton téléphone dans le micro-ondes, connecté à un haut-parleur Bluetooth en A2DP. Tu fermes la porte du micro-ondes, le haut-parleur s'arrête. Bon, ben super. Du coup, on arrive à la fin de l'émission. Juste un petit mot. Il n'y aura pas de plug ce soir pour remercier les personnes qui nous font des dons. On en a deux cette semaine. C'est Valentin et Michael qu'on remercie beaucoup pour ces dons. Continuez à nous faire des dons. On commence à avoir rassemblé plein de dons. C'est génial. On va pouvoir améliorer notre matériel et sans doute avoir un meilleur son et surtout être plus fiable et pas compter sur les 50 ordinateurs d'Alan pour pouvoir enregistrer et puis plein d'autres surprises. Ça nous aide beaucoup. Voilà, un autre mot, tout le monde, quelque chose à rajouter ? Que servir la science soit votre choix. C'est ça. Ben alors, que servir la science soit votre choix, soit votre choix. Que servir la science soit votre joie, et à la semaine prochaine pour parler hormones avec Irène. Eh bien, bonsoir tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao. À bientôt, ciao, ciao. Bon, et sinon, donc, il faut passer au prochain quiz. Donc là, on a résolu le quiz du mois et les quiz passés. On a reçu une proposition de Pascal Metz, qu'on remerciera jamais assez pour toutes les évolutions de la chatroom. Il fait tout ce que je n'ai pas le temps de faire. Et qui nous a fait une proposition en signaux de fumée. Bon, il faut avoir un peu 5 minutes pour la lire en entier. Alan, c'est toi qui l'as retranscrit ? Comment dire ? Ce qu'il nous a envoyé, c'est une page web sur laquelle on voit une image dans laquelle il y a des signaux de fumée qui se pointent de temps en temps. J'ai mis le lien dans la chatroom, on le mettra aussi dans les notes de l'émission. C'est très sympa, alors ça prend du temps hein, si on attend de voir apparaître tous les signaux de fumée. J'ai un petit peu triché, je suis allé voir le code source de la page et puis dedans il y avait un petit script JavaScript dans lequel j'ai trouvé le texte qui nous disait « Bonjour à toute l'équipe de Podcast Science, voici des signaux de fumée à ma manière pour vous proposer un info ou un tox. J'ai souvent entendu qu'il fallait couper la viande dans un sens ou dans un autre pour qu'elle soit tendre. Comme je n'ai jamais trouvé de réponse satisfaisante, je m'en remets à vous. Bonne continuation à vous et une fois de plus, merci pour tout. » PS, un paramètre get nommé message vous permettra d'envoyer vos propres signaux de fumée. Donc ça, c'est une petite astuce. Si vous rendez sur sa page de signaux de fumée, vous pouvez envoyer D'accord. le message que vous voulez en signaux de fumée. Voilà, voilà. Donc, ce qu'il nous propose, donc, c'est cette histoire de couper la viande dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Pour qu'elle reste tendre. On va tenter, hein. et on veut bien tout l'aide. Je sais pas, on vote. Moi, j'ai jamais entendu. Donc, on va faire un peu de recherche avant de lancer, de dire que c'est officiellement le quiz du mois. Moi, j'avais aussi une proposition parce que j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus. C'est donc, comme vous savez peut-être, j'ai des plaques à induction et tout le monde m'a dit ouais, fais le test de l'aimant. Tu mets un aimant sous ta casserole et si ça colle, ça veut dire que c'est compatible avec les plaques à induction. Et je me demande si c'est une info ou une intox. Ok, bon, on va peut-être faire voter la chatroom. Alors du coup, le topic numéro 1, c'est le sens de la coupe de la viande. Le topic numéro 2, c'est le magnétisme des casseroles. C'est le test de l'aimant pour vérifier que ça marche sur une plaque à induction. Ok, et puis du coup, moi j'ai envie de lancer un sujet numéro 3, c'est l'eau distillée, c'est poison, info ou intox. C'est poison ? Bah, c'est un truc que j'ai entendu toute mon enfance, il ne faut pas boire d'eau distillée. Il ne faut pas en boire au soleil, mais sinon ça va. Ah oui, c'est poison. Non, ça c'est trop facile. Hein. Ouais, on verra. Écoute, c'est jamais facile les quiz du mois. Oh, d'accord. Parce que le test de l'aimant à induction, pour vous attiser un peu. Alain aime bien les intox. Là, il est très frustré. Et... pour le test de l'aimant, pour vous attiser un peu, moi j'ai fait de l'induction comme plusieurs personnes. Quand on fait un peu d'études après le bac en physique, on voit l'induction. Je vois pas du tout pourquoi c'est vrai, mais le fait est de constater que dans la pratique, ça se vérifie pas mal. Donc voilà. Il y a un peu un entre-deux intéressant, quoi. Voilà, on va laisser voter, on décidera à la fin, comme la dernière fois. Super, du coup, là, on va passer au choix du quiz. Donc, normalement, vous avez voté depuis le début de l'émission. Est-ce que quelqu'un a suivi les votes ? Non. Personne fait son boulot. Bon, je crois qu'il y avait... les votes étaient assez partagés, mais il me semble forcément en toute objectivité que c'était le mien qui gagnait. Bah oui, bien sûr. On vous laisse un peu voter dans la chatroom et puis on va décider. J'aimerais que quelqu'un d'autre que moi valide que c'est le 2. Donc on rappelle les trois choix. On rappelle les trois choix en tout cas. Le premier choix, c'est la proposition de Pascal qui dit que il faut, en fonction de comment on coupe la viande, elle est plus ou moins tendre. Le deuxième choix, c'était est-ce que le test de l'aimant sur les plaques à induction est une info ou une intox ? Est-ce qu'avec un aimant, on peut tester qu'une casserole marche avec une plaque à induction ? Et la troisième, c'est l'eau distillée est un poison. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Alors, on voit beaucoup de 3 dans la chatroom. Forcément. Alors, on a un 10_2 de LJJ. Ah, t'es là, tu peux peut-être nous expliquer. Ouais, ça veut dire 2. Juste 2 en binaire. Voilà. Ah, c'est 2 en binaire. Ah, pardon, d'accord. Donc, c'était 2. Après, il y a du spam. Des Ah, David Lourero qui troll. Non, c'est entre 2 et 3, en fait. Bon, bah, c'est facile, c'est toi ou moi qui fait le quiz ? Alors, c'est toi, avec grand plaisir. D'accord. Sinon, donc, on a un message de Kevin Moulard sur SpeakPipe. Bon, bah, bonjour, Podcast Science. Je tenais à dire que votre site m'a particulièrement plu parce que j'ai utilisé votre dossier sur les constantes fondamentales pour faire mon TP de première S et puis j'ai trouvé le site très complet, beaucoup plus complet que tout ce que j'ai pu trouver sur Internet. C'était une très bonne synthétisation des différents sites incomplets en fait. Et voilà, vraiment merci beaucoup parce que il y a vraiment une très belle analyse, très belle vulgarisation. Enfin, c'est un premier S qui vous parle, voilà. voilà, sauf que c'est pas la voix de Kevin Moulard. J'en suis désolé, je sais pas, il y a eu une petite confusion. Ouais, navré. Si on rechoppe son ouais, message, c'était pas le bon, d'accord. C'était un autre client content. Et au passage, si vous nous utilisez pour le bac ou pour les concours, vous avez le droit, mais vous mettez un t-shirt Podcast Science lors de l'épreuve. Et vous savez ce que ça veut dire, Alnitam ? Non. Mais c'est une planète, en fait. C'est une planète qui est tout à côté de ma planète préférée qui s'appelle Alnitak. C'est rigolo. Il y a 3 planètes qui sont dans le ciel, qui sont juste positionnées les unes. Carrément, elles font une ligne droite. Il y a Alnitak, Alnilam et je ne me souviens plus la troisième maintenant, mais c'est marrant, ça. Enfin, bref. Planète préférée. Et oui, mais sans raison, sauf que j'aime bien le nom. Et c'est Alnitak qui est encore une fois juste à côté de Alnitam. D'accord. Et planète ou étoile ? Alors, oui, je suis... On demandera à Johan. Voilà. qui normalement devrait revenir un de ces 4 pour nous parler de l'histoire des télescopes. C'est un peu les microscopes, mais dans l'autre sens. Voilà. T'es sûr de ton coup, Irène ? C'est pas Alnitak, Alnilam et Mintaka pour la troisième ? Qu'est-ce que j'ai dit hein ? Alnitam. En fait, c'est un mélange. Quoi. Alnitam, ça doit être un clin d'œil à cette... Ah, attends. Alnitak... Bah, oui, peut-être que je mélange, en fait. C'est possible. Et puis juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est pas des planètes, hein, Alnita, Kalnila, mais Mintaka, c'est des étoiles dans la ceinture d'Orion. Ah oui, c'est des étoiles, oui, bien sûr. Ben oui, oui, mais j'y connais rien, c'est vrai. Hein, ouais, parce que c'est vrai que d'habitude, souvent les planètes, elles ont des noms un peu à la con, parce qu'elles sont nommées en fonction de l'étoile principale avec des A, B, C, D, E, F, G. Et oui, bien sûr. Non, ça c'est beaucoup plus poétique. Hein. Il est sympa ce GLaDOS, je me demande qui c'est. Bon, LGJ, désolé, sinon t'as pas beaucoup parlé finalement, mais bon, non, j'espère que tu t'es pas trop embêté. C'est d'où ma cote, hein. La connaissance parle, la sagesse écoute. Voilà, c'est ça. Mais écoute, on était content de t'avoir. Il a pas capté, là. Il faut que tu processes la cote. Mais si, j'ai compris la cote. Oui, non, mais il a dit d'où ma cote, tu vois, pendant que tu parlais, lui il écoutait. LGJ, c'est la sagesse. Et le servir la science sur votre joie, il est quand même bien, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Alan ? T'es pas content d'avoir filé ton podcast comme ça, à des matheux ? Écoute, on fait tous des erreurs dans la vie. C'est comme ça, il faut pas avoir de regrets, paraît-il. C'est ça. Moi, j'ai même pas compris en quoi ça veut dire que servir la science sur votre joie. Moi, j'ai besoin de le relire aussi, j'avoue. Je sais pas, une relation d'ordre S, ça suppose de la joie. En fait, c'est parce que tu t'éclates avec ta formule. Votre il est où le rapport avec la joie ? Alors, donc, le phi, c'est la science. Ouais. Le X, il sert la science. Donc, c'est le que sert, il sert la science, du coup. Et du coup, au final, c'est que X est plus petit que 3. Donc, X plus petit que 3, inférieur à 3, c'est un cœur, donc c'est joie. C'est le smiley, ah ouais. Et du coup, voilà. Donc, si X sert à la science, alors X est la joie. Ok. Ouais, c'est plus que la joie, c'est l'amour. C'est pas facile d'exprimer la joie avec... les symboles que j'avais à disposition. J'ai fait comme j'ai pu. Et puis, c'est quoi la coquille dans la formule ? Alors, en fait, j'ai écrit pour tout X appartenant à la famille des Y, mais en fait, c'est pour tout Y appartenant à la famille des Y. Grosse erreur, hein, du coup. Et personne n'a rien. Quelle honte. C'est pour ça qu'on n'avait pas compris, hein, Alan ? Bah, ça doit être ça, je pense. Bah. Du coup, écoute, on essayait d'être gentil comme ça, tu vois, Oulen. Oui, Mantine, c'est un joli nom, Mantine. Alors, ouais, et puis c'est aussi une auditrice qui est là depuis longtemps et qui participe régulièrement. C'est joli. C'est un peu la bonne fée des podcasts francophones. Ah oui. Ouais. Oui, c'est juste, ouais. Ouais, il est génial. Écoutez, j'adore, quoi. Il y a plein de variations autour du thème principal avec toutes sortes de. J'ai envie d'appeler ça des figures de style. Mais c'est très cool. Ça vaut la peine de l'écouter.